Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Montrez-moi une scène de crime », une série de Michel Pomarède, réalisée par François Test. Au départ de cette série, il y a des images échappées de polars, de films noirs ou de séries policières et que l'on veut mettre à l'épreuve de la réalité. Et il y a une interrogation. Comment côtoyer au quotidien le crime, la mort et la violence sans que cela nous vous ronge petit à petit? Alors il faut écouter ces hommes et ces femmes de l'identité judiciaire, policiers et scientifiques qui remettent de l'ordre dans le désordre et immortalisent des scènes de crime pour faire parler les traces. Alors pour commencer, les personnages. Un commissaire qui a roulé sa bosse, des vieux routiers du service à l'humour grinçant, des scientifiques engagés, des enquêteurs qui traquent le moindre détail et une nouvelle recrue encore bleue. Ensuite, le décor. Un hall où trône un portrait, les quais de la Seine, une tour médiévale, des bureaux trop petits, des locaux vétustes, des cigarettes fumées entre deux portes, des ordinateurs, de la poudre et des brosses à dents. Aujourd'hui, premier épisode, c'est déjà parti. À 21h32, un appel pour des cris de femmes parvient au standard du 17 Police Secours. Un équipage est diligenté sur les lieux, vite rejoint par plusieurs équipes. Les policiers intervenants présents sur le palier du 8e étage de l'immeuble constatent des cris de femmes dans un appartement. Ils essaient de se faire ouvrir la porte et s'affairent pour pénétrer dans le logement. À 21h55, les cris cessent. Ils parviennent à ouvrir la porte de l'appartement concerné et constatent la présence d'une femme au sol, décapitée et éventrée, baignant dans une mare de sang. Un homme au comportement agité face à eux avec la tête de la victime dans les mains, l'utilisation d'un pistolet à impulsion électrique nécessaire pour maîtriser l'individu. À la cinquième décharge et avec l'action de 6 policiers, l'auteur présumé des faits est maîtrisé. 10 prélèvements effectués, l'auteur semblerait être le fils de la victime. Identité judiciaire. La mort, un travail au quotidien. Michel Pomarède, François Test. Prénom. Ah mais ça y est, on y va là, ouais, ça tourne là. Alors, prénom Thierry. Fonction. Chef de la section photoplan. Grade. Commandant de police. Ancienneté. Au service, 27 ans. Signe distinctif. Chose du 45. Et ça vous sert dans les enquêtes? Oui, je vais plus vite. Steve, on est à l'extérieur, donc du service. Oui. Dans la cour du dépôt, exactement. Ce qu'on appelle la cour du dépôt, c'est l'accès par le 3 quai de l'horloge, donc qui donne accès à la cour où se situent les véhicules BRI et les véhicules de service de l'identité judiciaire, donc qui donne accès à la façade de l'identité judiciaire, et à la cour du dépôt où sont amenés les détenus pour les emprisonner avant présentation, etc. Donc souvent dans cette cour, il y a des avocats, des prévenus, des policiers de la brigade de recherche et intervention, des gendarmes. Vous-même, donc c'est une espèce de petite communauté de la vie policière et judiciaire de Paris. C'est là où certains gendarmes, certains policiers se retrouvent pour fumer une cigarette, discuter alors qu'ils ne se connaissent pas. Il y a un peu de tout dans la cour en fait. C'est toute la vie judiciaire de l'auteur jusqu'au scientifique qui sont présents ici. Et c'est assez particulier à vivre. Les premiers jours, c'est un peu bizarre. On peut croiser aussi bien un commissaire qu'une personne qui sort du dépôt et qui est encore en tongs, qui sort de cellule. Donc c'est un peu particulier de pouvoir croiser les deux individus qui sont à un mètre l'un de l'autre dans une cour d'un endroit quand même mythique qui est la conciergerie. Donc c'est toujours particulier les premiers jours, mais on s'y fait très vite. Votre service, l'identité judiciaire, c'est sur combien d'étages ? Un étage. Ça, c'est la cave. Donc ici, nous rentrons donc à l'IJI. Nous sommes installés ici depuis 1963. En premier lieu, l'identité judiciaire était installée au niveau de la préfecture. Puis ensuite, elle s'est installée ici, au niveau de la cour du dépôt. Ça, c'est le hall. Le hall, le musée. Oui. La partie vitrine musée, avec le regard de Bertillon qui veille. À gauche, le bureau numéro 1, donc le bureau du chef de service, M. Espinasse. David Espinasse, vous êtes le 16e directeur à diriger ce service d'identité judiciaire, mais vous ne seriez pas là sans cet homme. Et cet homme, c'est qui ? Alors, nous sommes en face du buste de bronze d'Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon est l'ancêtre de la police scientifique, c'est le créateur du service de l'identité judiciaire en 1893, par un décret du 11 août, dont nous avons une reproduction sous les yeux ici, un décret du président Sadi Carnot qui crée le service de l'identité judiciaire. Et il va être le chef de ce service, donc de 1893 jusqu'à sa mort en février 1914. Une archive de l'INA de 1953 commence par ces mots « Alphonse Bertillon est un cancre ». Alphonse Bertillon est un cancre, hein, et peut-être un petit peu paresseux par le marché. Et par protection, hein, il se fait embaucher comme commis aux écritures à la préfecture de police en 1879, si je ne me trompe pas. Et là, il classe des fiches. Et intervient une loi qui porte sur la récidive et qui décide de poursuivre particulièrement et de façon sévère les récidivistes. Et il réfléchit et il se dit, mais après tout, l'homme, l'être humain, présente des caractéristiques corporelles qui lui sont propres, qui sont particulières. Et donc, il choisit un certain nombre de points qu'il va décider de mesurer. Il va arriver à démontrer que chacune de ces mesures est unique. On a ici devant nous ce qu'on appelle une mallette Bertillon. Dans cette mallette Bertillon se trouvent effectivement des pieds à coulisses, une pince céphalique qui permet de mesurer l'écartement, enfin la forme du crâne. On mesure la hauteur de son oreille droite, on mesure l'envergure, on mesure évidemment la taille, on mesure la hauteur du buste, etc. Dans un ordre précis et d'une façon précise, et selon des modes opératoires qui vont être intangibles. Et ça va s'appeler l'anthropométrie. Bertillon va réussir à identifier un récidiviste au moyen de l'anthropométrie. Et donc, triomphe. On est juste à côté du préfabriqué de la section Trace Techno. Et cette cour, c'est quoi en fait ? Ça, c'est une cour de la conciergerie. Donc vous voyez, il y a toute la partie IJ, les laboratoires, rez-de-chaussée, premier étage, et toute la partie palais de justice également. Et cette cour, elle est très ancienne parce qu'on dit qu'il y avait un arbre qui aurait été planté par Marie-Antoinette. Donc, je vais vous montrer l'emplacement. Aujourd'hui, on ne voit plus grand-chose, mais c'était à cet emplacement-là. Et en dessous, donc, toutes les caves de l'IJ, où il y a énormément d'archives, de dossiers. On a eu quelques problèmes en mai, là, lors des inondations. Lors de la crue également de 1910, tout a été complètement inondé. Et alors, l'histoire raconte qu'à l'époque, comme ça servait également de prison, hein, ici, le vieux Châtelet, le bas Châtelet, que les individus soumis à la question ou qui décédaient lors des tortures ou lorsque des indigents décédaient, en fait, il y aurait dans la cave, il y aurait une espèce de tunnel en fait, qui permettait de rejeter les corps directement dans la Seine pour plus en entendre parler. Thierry, oui. On est donc au bureau commandement opérationnel et cellule macro, pièce 12. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Une main courante. Oui, c'est une main courante qu'on appelle. C'est le cahier sur lequel on inscrit toutes les sorties effectuées par les groupes qui vont sur les lieux, qui se rendent sur les lieux, sur les saisines. Alors, André, si vous voulez juste me rejoindre. Donc, le rôle de cette pièce, votre rôle à vous, c'est quoi ? Le rôle de ce bureau, c'est en fait recevoir les appels de notre direction et puis de mettre les équipes en place pour les envoyer sur le terrain, quoi. Tout simplement. Voilà, donc ils partent avec un véhicule et une feuille de mission. Voilà. Donc c'est ici que convergent tous les appels et combien Absolument. Par jour ? Par exemple, aujourd'hui ? Ça dépend. C'est très, très, très aléatoire. Ça peut être, je sais pas, moi je dirais 5-6 appels à beaucoup plus. Hein. C'est, en fait, on est un peu tributaire de la délinquance. Donc si c'est calme, c'est calme aussi pour nous. D'ailleurs, c'est calme actuellement avec les Vigipirate, etc. Donc là, il y en a beaucoup moins d'appels. Beaucoup moins. Voilà. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur une scène de crime ? Ça fait pas mal d'années. La première scène de crime ? Alors, c'était en 2003, pendant la canicule. Je me rappelle encore. On nous appelle pour aller sur une enquête d'essai. Une personne décédée chez elle. Et c'était donc une dame âgée, décédée. Et lorsqu'on arrive, elle était dans son congélateur. Ouais. Mais c'est vrai en plus. Un grand congélateur style... qu'on appelle ça ? Un bahut. Style bahut. C'était pendant la canicule. Et elle avait aménagé son congélateur avec une serviette de toilette. Et elle dormait la nuit dans son congélateur. Et elle avait mis un petit escabeau et elle est rentrée. Et lorsqu'on est arrivé, elle était comme ça, couchée et morte. Hein. Alors, de froid ou de chaud, j'en sais rien. Et c'est une affaire qui nous a marqué. Voilà. Mais ça, c'est pas une scène de crime. Si, ben, c'était pas une scène de crime. C'est, à l'époque, on sortait sur ce genre d'affaires, sur ce qu'on appelait les enquêtes d'essai. Une découverte de cadavres. Voilà. Mais il y avait un cadavre. Et donc, on n'a jamais su les causes de la mort. Mais bon, voilà, c'était une affaire qui m'avait marqué. Voilà. Ici, donc, le bureau numéro 2, donc le bureau des commandants fonctionnels. En fait, c'est un petit peu l'état-major de l'IJ. Et le bureau numéro 3, donc l'adjointe au chef de service. Et ici, face à nous, donc la section, on disait la SA, la section anthropométrie, à l'époque, donc c'est la section dactyloscopie FAED, fichier automatisé des empreintes digitales. Prénom. Florence. Grade. ASPTS, agent spécialisé de police technique et scientifique. Vous êtes affecté à quel service ? À la dactylotechnie, aux examens chimiques. Signe distinctif. Curieuse. Florence, troisième matin ici. Oh, tout à fait. Pourquoi l'identité judiciaire ? Le prestige du site, la complexité des affaires, c'est pas juste des séries, c'est la vraie vie. La formation juste avant, c'est quoi ? La formation, c'est une formation d'abord en école de police à Nîmes, 2 mois, et puis 8 semaines de formation théorique et pratique à Écully, qui est la sous-direction de la police technique et scientifique. Et pourquoi pas le choix de la PJ, police judiciaire, qui, eux, mènent des enquêtes ? Nous sommes scientifiques. Nous sommes des aides à l'enquête. Moi, je ne suis pas personnel actif. Je suis scientifique. Donc, je n'aurais pas pu postuler sur des postes d'enquêtrice. Ok, on vous suit. Allez, on y va. Là, nous entrons dans le bureau 13, qui est le bureau des GITS Jour, donc gestionnaire de scène d'infraction de Jour. Et donc, c'est ici que sont élaborés les albums, photos et les plans, suite aux sorties effectuées par le personnel. Donc, on va t'expliquer le fonctionnement de la section. Vu que tu es nouvelle, tu ne comprends pas tout. Si ? Non, je suis curieuse. Tu es curieuse ? C'est très bien. C'est très bien, dans notre matière. Et donc Steve va t'expliquer ce qu'on fait, les différentes missions sur lesquelles nous sommes appelés. Prénom. Steve. Ancienneté. 5 ans dans le service. Grade. Gardien de la paix. Signe distinctif. J'aime le sport. Lequel ? La muscu. Alors, Steve et Florence, on est donc au pôle... Photo plan. Ok, et donc, explication de votre rôle. Alors, quand vous arrivez sur une scène de crime. Voilà, donc nous, sur les scènes en général, donc que ce soit crime ou délictuel, On fait tout ce qui est photo et plan, donc c'est-à-dire réalisation des clichés et la prise de code sur place avec la réalisation d'un croquis. On code absolument tout, donc s'il y a eu un crime dans un appartement par exemple, on fait toutes les pièces. Donc pour pouvoir réaliser par la suite sur DesignCAD un plan précis et à l'échelle des lieux, avec la situation des indices et du corps à l'intérieur. Pour tout ce qui est photo, ce sera un album qui sera réalisé au service. Donc avec des planches photos, avec l'intégralité des clichés réalisés, pour suivre un cheminement logique du plus large au plus précis, si vous voulez. Donc on prend les vues générales jusqu'aux vues de détail. Donc les vues de détail sont réalisées sur les indices et sur, par exemple, un couteau avec des traces ensanglantées dessus, etc. Une scène de crime, c'est combien de photos ? On peut aller de 50 jusqu'à 400, 500, on ne sait pas quoi. C'est jamais précis. On fait le nombre de photos qu'il faut pour que le lecteur de l'album comprenne la scène. Tout simplement. La nécessité de faire un plan, c'est de fixer une scène de crime pour une future reconstitution ? Oui, tout à fait, c'est pour la reconstitution, c'est aussi pour un point de vue continu par rapport à l'album, parce que je m'entends. On scotche le plan de façon à ce que le lecteur puisse avoir le plan sur le côté, tout en feuilletant l'album. Donc en fait, il peut toujours situer les indices qu'il a dans l'album sur son plan. Et le lecteur, c'est qui ? C'est l'enquêteur ? C'est le juge d'instruction qui est chargé de l'affaire. C'est le service enquêteur qui était sur place et qui veut comprendre précisément, parce que il va gérer plusieurs affaires, donc il va pas forcément avoir que celle-là en tête. Et il va pouvoir précisément resituer les indices sur place. Steve, donc résumons sur une scène de crime. Le photographe opère d'abord, ensuite vous et les gens qui s'occupent des traces et indices, c'est dans cet ordre-là ? Alors, les vues générales sont réalisées tout de suite pour figer, et après, par contre, tout ce qui est vue de détail peuvent être faits à la suite. C'est-à-dire que vu que c'est seulement un objet précis et qu'on n'a plus besoin de le localiser, il peut travailler la photo et le plan peut travailler en même temps dans la même pièce, puisque là, il apparaîtra plus sur les photos. Stocks, après il est puissant. Il est capable, il peut me nuire. Est-ce que vous avez montré la sonorité particulière de cette salle ? Je dis, il va devenir fou. Casse-toi. Regardez. Moi je veux juste sur le truc d'identité. Ça y est. Parlez. Ah, ouais. Ça résonne. Vous voyez ? Mettez-vous là. Parti. Allô, c'est qui là ? Thierry ? Mais c'est marrant, quoi. Et alors, un jour, on avait fait un pont, il y avait un pont, alors bon, on ne fait pas des pots tous les jours non plus. On en fait. Il y avait un pont, et donc la table était au milieu. Et en fait, quand vous vous trouviez de ce côté de ce mur-là, vous entendiez ce que se disait de l'autre côté de la pièce. Ça, c'est impressionnant, c'est marrant. C'est bizarre. C'est quoi ce truc ? Et l'air de rien, on pouvait entendre toutes les indiscrétions. C'est une espèce de sonorité. Je sais pas, c'est. Donc cette salle, elle était utilisée à l'époque, pourquoi ? Alors, à l'époque médiévale. Ah oui, du temps du palais du roi. Mais apparemment, un tour bombé. Il se dirait que c'était la salle de torture, une salle de torture. Ouais. Ça s'appelle. Donc, on est dans la tour Bombeck. La tour Bombeck, Bombeck, avoir Bombeck, ça voulait dire avoir bonne bouche, avouer. Voilà. Ah oui. Ouais. Comment ? Oui, d'accord. Bon, pardon. Pardon. Et en plus, il est impatient. Non mais voyez, j'aime bien les petites histoires. Et ça, c'est une petite histoire qui me plaît. Ça, c'est une affaire de 2014. Ouais, donc voilà. Donc là, ce que je voulais te montrer, c'était... L'interactivité, ce qu'on appelle l'interactivité, c'est donc un album photographique qu'on fait classiquement, qu'on modifie en format informatique pour pouvoir l'utiliser sous forme de CD-ROM avec une visite virtuelle à l'intérieur de la scène. Là, c'est un album d'un homicide volontaire qui s'est passé au Père-Lachaise, dans le cimetière. Une personne déséquilibrée a assassiné une personne, un passant, tout simplement. Il l'a massacré. Oui, voilà, il lui a éclaté, enfin, sans être trop précis, il lui a explosé la boîte crânienne sur un trottoir. Et donc vous avez dessiné ça alors, au milieu des tombes. Alors moi, c'est pas moi qui ai réalisé le plan, c'est moi qui ai réalisé l'album sur ça. Et oui, effectivement, bah, il y avait des stèles et des tombes tout autour avec un cadavre à côté. Voilà, c'est un peu particulier, mais... J'ai feuilleté l'album photo tout à l'heure et vous avez trouvé une lame de rasoir à l'intérieur d'un arbuste à proximité. C'est pas évident de retrouver des indices au milieu de ah plantes. Bah, de bosquets et tout ça, surtout que là, il y avait de la matière organique un peu partout. Donc, fallait faire un peu la chasse à tout ce qu'on pouvait retrouver dans les bosquets, dans les arbres. C'est sûr que c'est pas évident. Ça veut dire que vous... Vous cheminez, surtout, vous quadrillez tout le alors, on fait tout tour pour vraiment retrouver tous les traces et indices. Voilà, on fait un quadrillage assez large. Il y a les progressions linéaires où on est tous les uns à côté des autres, entre guillemets, et on va rechercher chacun sur notre ligne, ce qu'on avait fait sur ce cas précisément. Dès qu'on avait fini notre ligne, on se décalait, on recommençait dans l'autre sens. Pour pouvoir voir la scène dans les deux sens, ce qui permet d'avoir une vision plus générale, plus vaste de la scène que si on va toujours dans le même sens. Donc voilà, on arrive au sommaire qui est présenté avec la visite virtuelle intégrée. Donc comme tu peux le constater, il y a marqué « Cliquez pour activer ». Tu vois. On a vraiment l'impression d'y être, hein. C'est impressionnant. La qualité de l'image est bonne. Tu peux zoomer. Et en l'occurrence, tu vois que sur chaque cavalier, tu as un petit carré d'activation jaune dessus. Et si tu cliques dessus, tu as la vision de l'indice en lui-même. Génial. Voilà. Alors tu as... Le cavalier qui a des lettres, c'est toujours les corps, les cadavres. Les cavaliers à chiffres, c'est les indices. Un cavalier, c'est quoi, description ? Un cavalier, c'est un triangle jaune métallique avec un lettrage ou un chiffrage dessus qui indique exactement l'emplacement de chaque indice. Donc, sur la scène en elle-même, on va placer les cavaliers dans un ordre chronologique de 1 jusqu'à... 100, 200, ça peut aller très très loin. C'est par rapport au nombre d'indices qu'on a sur place. Pour tout ce qui est numérotation, c'est pour les indices. Tout ce qui est lettrage, c'est pour les cavaliers utilisés pour les cadavres. Donc, un cavalier est utilisé pour un indice et restera toujours pour cet indice-là. Ne changera jamais, ne sera jamais utilisé pour un autre. Alors, voilà. Quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui à Florence qui démarre ? Alors, d'être très précise sur ses cotations si elle doit faire un plan. Sur les photos, toujours qu'elles soient bien exposées, bien cadrées. Et comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui est très important sur place, c'est de réfléchir d'abord à son légendage. Comment on va pouvoir légender sa photo dans l'album pour faire comprendre à la personne qui n'était pas sur place ce qui s'est passé. Combien de scènes de crime vous avez dessinées depuis que vous êtes dans le service ? Beaucoup. Des dizaines et des dizaines. Est-ce que vous vous souvenez de la première scène de crime ? Oui. Donc c'était un pavillon en 93. Donc, vous aviez une allée comme ça avec un escalier qui remontait avec... Voilà, vous aviez des petites marches comme ça. Vous aviez le pavillon qui était derrière comme ça. Ça, c'était une espèce de rampe qui donnait sur le devant du pavillon. Donc là, la rampe d'accès voiture donnait sur la rue. Donc le corps a été découvert à l'extérieur ici... par les pompiers et la réanimation a eu lieu sur place. Donc on a trouvé des morceaux de ceinture et des traces de sang à l'extérieur. La porte d'accès était ici et en fait on rentrait dans un petit couloir qui donnait accès à un escalier ici pour les étages. Et là il y avait un grand salon avec une table, des chaises, il y avait une armoire retournée où il y avait une arme à feu dedans. Un radiateur au fond avec un impact de balle à l'intérieur, du sang un peu partout derrière. En fait c'était un assassinat qui était commandité pour du stup. Et en fait, la personne avait tenté de s'enfuir en rampant derrière le meuble. Elle était au sol et en fait, il y avait des traces de sang partout. Il lui avait tiré au 9 mm au fusil à pompe dessus. Donc en fait, il y avait du sang dans le couloir parce qu'en fait, il avait rampé pour sortir, pour appeler au secours. Et avait été découvert dehors. Donc en gros, tout le salon était retourné avec du sang partout. Un impact dans le radiateur qui était caché par le rideau. Différents impacts dans les murs. Et dans les étages, il n'y avait rien de particulier. Ça s'était passé au rez-de-chaussée. Steve, est-ce qu'une scène de crime, c'est une scène de vie ou est-ce que c'est une scène de mort ? C'est les deux. Il y a de la vie autour de la mort, en fait. C'est beaucoup de personnes qui s'activent autour de quelque chose qui n'est plus. Et après, on essaie de retrouver des choses qui sont figées, donc qui ne sont plus vivantes, mais qui sont utiles à retrouver l'auteur. Donc c'est de la vie autour de la mort, je pense. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Là, on est devant la première scène de crime sur laquelle Alphonse Bertillon a appliqué ses méthodes de recherche d'empreintes digitales, donc l'affaire Schaeffer, 1902. Oui, première identification, oui. Donc, c'est dans le hall de votre service, l'identité judiciaire, donc c'est un peu pour montrer l'histoire qui vous a précédé. Décrivez-moi cette photo. Mais cette photo ressemble à une photo qu'on aurait pu faire maintenant. Sauf que là, il se trouve qu'elle est en noir et blanc, mais c'est une vue générale. C'est exactement une photo qui a pu être prise maintenant. On voit une porte blanche qui nous amène dans une autre pièce. Les cavaliers qui ne sont pas. Les cavaliers qui ne sont pas. Mais les cavaliers, c'est récent. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, on n'avait pas de cavaliers numérotés. C'était des cubes. Des petits cubes avec des C pour cartouches, O pour ogive. Et donc, les cavaliers, c'est plutôt récent. Et donc, eux, déjà, n'en mettaient pas du tout, donc apparemment. Il y a le rouleau encreur pour les empreintes. Voilà, tout à fait. Ça, je connais parce que c'est la première section dans laquelle j'ai travaillé, la section dactyloscopie, qui est un peu la base, en fait, de l'identité judiciaire. La signalisation des individus. Alors, on va faire comme avec les autres. Nom, prénom. Nom, prénom. Fonction, ancienneté dans le service, signe distinctif. Signe distinctif. Alors, nom, Espinasse. Prénom. Xavier. Fonction. Chef de service. Ancienneté. Bientôt 3 ans. Signe distinctif. Chef de service. Le local scellé, là où nous entreposons tous les scellés qui arrivent de la part des services enquêteurs. Ici, nous avons les laboratoires donc, pour l'examen justement des scellés, pour la recherche de tracés indices qui seraient réalisés en notre service et non pas sur les lieux. Ici, bureau 10, donc pour le traitement des traces papillaires en photographie. Dans tous ces lieux, vous allez les quitter l'année prochaine. Oui. Pour aller au Batignolles. Vous avez déjà fait le tour du propriétaire là-bas? Non, surtout pas. Comme beaucoup, on n'a pas envie de partir, hein, même ici, les lieux sont vétustes, c'est chargé d'histoire, et puis c'est vraiment différent, Batignolles. Personne n'est pressé de la débuter, cette nouvelle époque. Alors, le service régional d'identité judiciaire de Paris comprend... je dirais en données corrigées des variations saisonnières, parce qu'il y a des évolutions personnelles un petit peu tout le temps. Malheureusement, beaucoup de départs et peu d'arrivées. Entre 160, 180, mon rêve serait d'arriver à 200 personnes. Ça, on ne prend pas le chemin, mais bon, disons, on va dire 180 personnes qui sont réparties et donc essentiellement au siège, ici, 3 quais de l'Horloge, et dans 3 antennes départementales d'identité judiciaire au chef-lieu, à la préfecture, enfin au service de police centrale du département, de chacun des 3 départements de la Petite Couronne, donc à Nanterre, à Bobigny, à Créteil. Ici, au siège à Paris, j'ai un certain nombre de sections, chacune dévolue à une spécialité. Ces spécialités sont la dactyloscopie, c'est le traitement, le classement, l'archivage, si j'ose dire, des empreintes digitales. L'autre section, c'est la section de dactylotechnie. La dactylotechnie, c'est la section de ceux qui sortent sur le terrain et qui vont relever les traces sur les scènes, mais qui vont relever tout type de traces, pas seulement des traces digitales. Ils vont également faire des prélèvements à caractère génétique si c'est justifié. Le service photoplan, eh bien, c'est le, si j'ose dire, le binôme de la dactylotechnie. Nous avons des collaborateurs spécialisés dans la photographie de scènes de crime. Ils sont accompagnés d'autres personnels. En général, ils savent faire les deux, qui établissent les plans des lieux. Et enfin, la section des traces technologiques. Ça, c'est l'avenir, enfin, c'est le présent et l'avenir, mais c'est dans cette section que sont révélées les traces laissées par les outils modernes de communication, les téléphones, les GPS, choses de cet ordre-là, qui laissent aussi des traces qui méritent d'être analysées. Et je dis que c'est l'avenir parce que il nous manque une dimension que nous allons acquérir bientôt, c'est la dimension police technique et scientifique de l'informatique. Xavier Espinasse, dans le service que vous dirigez ici à Paris, Quai de l'Horloge, il y a 180 personnes. Quelle est la proportion de policiers, quelle est la proportion de scientifiques? Alors ça, c'est une particularité du service qui fait ouvrir de grands yeux étonnés à mes camarades et à mes collègues quand je me retrouve dans des instances à caractère national et que je dis, ben moi, j'ai moitié-moitié. Moitié à peu près de policiers actifs et une moitié de policiers de personnel de police scientifique qui, je dois dire, s'amalgame assez bien. Hein. Au quotidien, il n'y a pas tellement de différences. Moi, je vois assez peu les différences au quotidien. C'est vrai que, par exemple, au FAED, au fichier automatisé des empreintes digitales, qui justifie une présence plutôt sédentaire, j'ai plus de personnel scientifique, sans exclusif, puisque j'y ai aussi des actifs. Mais sur les services qui nécessitent des sorties à l'extérieur, j'ai plus de personnel actif. Est-ce qu'on pourrait dire la seule différence notable à l'œil nu pour un observateur comme moi, c'est qu'il y en a un qui peut être armé et pas l'autre? Oh, ça, je sais pas. Je sais que le port de l'arme est quelquefois évoqué par les organisations syndicales de personnel scientifique. Moi, j'ai des collaborateurs issus des corps scientifiques et techniques qui me disent « Mais moi, j'ai signé pour être PTS, je n'ai pas signé pour être gardien de la paix, je savais ce que je faisais en faisant ce choix-là, donc je ne veux pas me transformer petit à petit en gardien de la paix. » Les personnels scientifiques ici n'ont pas pour Graal le fait de porter une arme. La section 7, la section de la dactylotechnie. Alors vous voyez ici, il y a un petit système en fait de présentation donc de l'empreinte digitale pour pouvoir accéder à la section. Prénom. Perrine. Grade. Capitaine de police. Fonction. Adjoint au chef de la section dactylotechnie. Ancienneté. 17 ans. Signe distinctif. Spécialiste en thanatologie. Donc, première scène de crime, première confrontation à la mort violente d'autrui. Oui, alors je m'en souviens, donc c'était... Vous pouvez le dessiner ? Oui, alors je me souviens du lieu. Donc je me souviens effectivement de la chambre. Et c'était une femme en état de décomposition avancée. Donc pour un premier corps, en fait, on va dire, j'étais tout de suite plongée déjà dans ce qu'on pouvait voir de pire au niveau des corps. Donc... une femme dans son lit, donc décédée de mort naturelle, avec le bras pendant, comme ça. Et donc cette odeur, honnêtement, ça c'est une odeur que personne n'oublie. Donc l'odeur méphitique, c'est le terme technique pour parler d'une odeur de décomposition avancée. À la fois, je me souviens du corps, de la chambre, et de cette odeur d'antiseptique très fort pour lutter contre l'odeur de décomposition. Vous vous êtes formé en criminalistique et en thanatologie. Qu'est-ce que vous avez voulu approfondir dans l'étude du cadavre ? À Paris, jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait pas de médecin légiste en fait sur les scènes de crime. C'était plutôt une spécialité provinciale ou de grande couronne, mais à Paris, il n'y avait pas de médecin légiste. Et donc, je trouvais intéressant de se pencher un petit peu sur tout ce que la victime, tout ce que la dépouille peut nous donner comme renseignement. Et le seul moyen, en fait, c'était pour moi de passer un diplôme de thanatologie, c'est-à-dire vraiment de me consacrer à l'étude des signes cadavériques, qui, finalement apparaissent dès l'heure du décès et petit à petit, au fil des heures passées sur une scène de crime, ils apparaissent et ils vous donnent des indications déjà. Les signes qui permettent de dater la rigidité qui apparaît, la couleur, voilà, les signes qui permettent de donner une idée donc, du délai post-mortem, donc de dater le décès, d'approcher un petit peu également la nature de la mort. Alors, pas forcément la cause de décès précise, vous voyez, mais la nature de la mort, comme par exemple un cas d'asphyxie. Après, est-ce que c'est une pendaison, est-ce que c'est une suffocation? Enfin, en tout cas, la nature du décès, la position du corps également. Voilà, ce genre d'informations qui me semblait quand même intéressante de connaître déjà sur la scène de crime. Identité judiciaire? Oui, bonjour. Alors, je vais prendre ton numéro de poste et la collègue d'astreinte va te rappeler pour voir. Il y a une garde à vue en cours ? Prénom ? Franck. Grade ? Major de police. Ancienneté dans le service ? Depuis 1998. Surnom ? Petit Franck. Signe distinctif ? Tenace. Fouineur. Aussi. Franck, dans les mains. La suite de l'affaire de ce matin, très tôt, une femme décapitée dans un appartement de la banlieue parisienne. Vous, qu'est-ce que vous avez dans les mains ? Donc là, dans les mains, j'ai le dossier des collègues de nuit qui sont intervenus et qui, en tant que groupe d'intervention, ont effectué donc les prélèvements à caractère biologique dans l'appartement de la victime, ainsi que des recherches de traces papillaires, donc à l'aide de poudre dactyloscopique. Donc à la suite de ça, des traces ont été découvertes, des traces papillaires. Et donc nous, en journée, on est amené donc à suivre et avancer le dossier du collègue. C'est-à-dire que donc tout à l'heure en bas, on nous disait le fils pourrait être le responsable du crime. Voilà, donc de ce que je sais de ce dossier, donc le fils, il est retrouvé donc à l'intérieur de l'appartement, donc par les collègues, l'appartement était fermé de l'intérieur. Donc là, dans l'idée, des traces papillaires sont révélées. Donc la victime, elle n'a pas été encore autopsiée. Donc on n'a pas ses empreintes. On a celle du fils. On l'a comparée avec les traces relevées sur les lieux. Et ce ne sont pas les siennes. Donc maintenant, on attend le relevé d'empreintes de la victime à l'Institut médico-légal. Franck, traces papillaires, ça veut dire quoi ? Traces papillaires, bah, ça va être une trace laissée par la main d'une personne sur un objet ou sur un mur ou sur une voiture, sur un objet quelconque. Il y a deux sortes de traces. Il y a les traces visibles et les traces latentes. C'est ça. Et votre travail ? Ah bah de voir les deux. Donc pour ça, on a des appareils un peu particuliers, des appareils de luminescence, enfin de diverses réactions, et des poudres aussi qui réagissent aux UV, enfin plein de choses comme ça. Ouais. Et donc c'est ce que vous allez expliquer à Florence qui débarque dans votre service ? Qui débarque. Donc ici, dans la section, chaque fonctionnaire, puisqu'on a pas mal de moyens, puisqu'on a un service régional d'identité judiciaire, donc est équipé d'une mallette individuelle. Donc avec du matériel de base. Et après, chaque fonctionnaire met des choses qui lui appartiennent ou pas. Alors vous avez mis votre brosse à dents, par exemple ? J'expliquerai par la suite. Tu te poses la question pour ça, la brosse à dents ? Oui, c'est étonnant. Non, en fait, on a des transferts adhésifs. Je vous montrerai après pourquoi. Il y a des transferts adhésifs, c'est comme des petits scotchs, qui sont tellement souples que des fois, dans certaines aspérités, le scotch ne va pas rentrer. Donc en brossant ce scotch-là, ça va prendre dans les aspérités. Donc en fait, la base du travail, donc c'est nos pinceaux, hein, donc un pinceau dédié par couleur de poudre. Là, tu vas avoir tout ça. Chouette. Donc en fait, l'idée de base, hein, c'est que les poudres claires vont être utilisées pour des supports foncés et réciproquement des poudres foncées sur des supports clairs. Après, on a des poudres entre les deux qu'on appelle silver grey, donc qui sont grises. Donc les masques. Hein. Alors après, au pied, c'est ce qu'on appelle les surchaussures. Alors ça, c'est pour éviter de laisser nos traces de pied, hein, nos traces de semelles, et pour éviter de contaminer les lieux. Après, c'est une combinaison, donc une combinaison à usage unique, en fait. Hein. Et bien pareil, pour éviter de nous salir et pour éviter de contaminer les lieux avec potentiellement des choses qui seraient sur nous et qu'on laisserait déposer sur l'affaire, sur les lieux de l'infraction. Et donc après, d'avoir aussi du matériel pour relever les empreintes, parce qu'il faut bien relever les empreintes pour les comparer avec celles qu'on a trouvées sur les lieux d'infraction. Donc pareil, donc tu auras des relevés comme ça de discrimination. Carnet digital de relevé d'empreintes. Ouais, digital et palmaire, de témoins ou de familiers, puisque là, on n'est pas dans le cas du signalisation, donc tu n'auras pas ça pour les auteurs, hein, on a d'autres fiches. Ok. Et là, bah, après, ça fait un petit peu de poids. Mais ouais, tu auras tout ça. Chacun a sa mallette. Ouais, individuel. Comme ça, on peut projeter plusieurs personnes dans des endroits différents, comme ça, tout le monde est équipé de la même manière. En sachant que tu auras une mallette de prélèvement bio aussi, individuellement. Florence, vous avez fait le choix de venir ici à l'identité judiciaire parce que c'est des grosses affaires, et les grosses affaires, c'est principalement les homicides volontaires. Donc, qui dit homicide volontaire dit, sur une scène de crime, un cadavre. Comment vous sentez que intérieurement vous êtes prête à voir cette récurrence de la mort? Je ne le sais pas. La première fois que je suis partie sur mon premier cadavre, j'étais pas fière dans la voiture parce que je ne connaissais pas justement ma réaction face à quelqu'un, des situations complètement atypiques qu'on vit pas dans la vraie vie de tous les jours. Et ça m'a rien fait. Et sur la suite, force est de constater que ça m'a pas fait plus d'effet sur les différents corps que j'ai vus par la suite. Et que je trouve les autopsies extrêmement intéressantes. Voilà, donc je suis pas choquée et pour l'instant, j'espère pas l'être pour les prochaines années. Quant à vous dire à quel moment ça va être le trop-plein, que je vais avoir atteint le fameux quota dont on entend parler, la question est entière. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui fait qu'à un moment donné, ça bascule. J'ai une collègue qui a fait ça pendant des années et au bout de 10 ans, elle m'a dit « Le cadavre de trop, ça a été celui qui grouillait de verre une fois qu'on a ouvert la housse sur la table du légiste. » Et ça, c'était trop. Voilà, alors ça peut être effectivement, c'est peu ragoûtant. Et ça peut être ça pour certains. Ça peut être, effectivement, le bébé qui va ramener à sa propre famille. Mais j'ai pas de réponse à ça. C'est une vraie question que je me pose. Franck, vous, les scènes de crime que vous avez vécues, sur lesquelles vous avez travaillé, elles sont où? En vous? Ah, c'est la fameuse question. Est-ce qu'elle serait pas cachée quelque part au fond de la tête? Alors, j'en rêve pas, j'en fais pas de cauchemar, je sais pas pourquoi. Après, on nous dit tout le temps, oui, mais ça peut ressortir un jour. Ça sera celle de trop, c'est possible, je sais pas. Qu'est-ce qui dit ça? Oh, c'est les idées. C'est ce qui se dit partout. Pour au jour d'aujourd'hui, donc après, sur des scènes de crime majeures, ou des retours d'identification de victimes, on a des entretiens avec des psys. Et eux, ils ont l'air de dire que tout va bien, donc on continue. Hein. Je vous pose quoi comme question? Une image qui nous a marqué, des questions anodines. Hein. Mais bon, les questions anodines, le problème, c'est que nous, on les connaît, puis on a les réponses aussi. On est dans la police, quand même. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ça a un peu changé. Les psychologues, maintenant, sont plus attentifs. Les fonctionnaires de police, dans l'ensemble de notre service, maintenant, ont compris que c'était bien d'en parler. Que c'était dans le secret, que ça rentrait pas dans les dossiers personnels, ça rentrait pas dans leur carrière, que c'était vraiment anonyme et que ça restait vraiment entre le psy et le fonctionnaire. Donc les gens parlent et ça va mieux. Ouais. Alors c'est vrai que les jeunes, ils veulent absolument quelque chose de grave, nous on veut de mal à personne, hein, mais ils veulent la scène de crime majeur, mais ouais, c'est dur. Mais ça va, ils sont accompagnés par des gens qui ont l'expérience. Donc ça se passe bien. Florence, on me disait, je ne sais pas si j'ai une carapace, je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai à mon quota de mort de trop. Est-ce que vous, vous savez si, un, vous avez une carapace, et si, où vous en êtes dans votre quota de mort, Perrine? Après 18 ans d'ancienneté ici à l'identité judiciaire. Pour ma part, je pense que je n'ai pas atteint le quota. Maintenant, il y a la personne qui s'en rend compte au bon moment, hein, avant le dernier combat, on va dire, et la personne qui s'en rend compte malheureusement après. Si ça devait m'arriver, je préfère m'en apercevoir au bon moment. Quant à Florence, elle verra bien au fil du temps. Lorsqu'elle rentrera de ses premières scènes de crime, bah, peut-être qu'elle aura, viendra me voir pour me dire ce qu'elle ressent. Et puis voilà, mais elle m'a l'air d'être solide, Florence. Et comment vous savez que vous n'êtes pas arrivée à votre quota ? Bah là, s'il y avait une scène de crime cet après-midi, et s'il fallait que je m'y rende, bah j'irais. Je n'irais pas à reculons, donc c'est que je suis encore prête à voir ce genre de choses. Alors l'idéal, c'est vrai, c'est dès qu'on quitte ce service, c'est de laisser tout ça au vestiaire et de parler d'autre chose. Moi, honnêtement, ça, je vais être honnête, ça me suit un petit peu quand même à la maison. Mais après, moi, j'ai toujours aimé continuer à lire des romans policiers, regarder les émissions sur ce genre d'événements. Quand vous vivez vous-même avec un policier, bah, forcément, à un moment, il y a des échanges sur le métier. Mais pour autant, ça ne me dérange pas outre mesure. Alors, je m'évade aussi, je rentre en Bretagne, je me promène, je fais de la danse classique, enfin, voilà. Mais j'ai pas l'impression non plus de lutter pour absolument faire le distinguo entre mon métier et ma vie privée. Vous vivez avec un policier, vous l'avez rencontré sur une scène de crime ? Disons que nous nous sommes rencontrés effectivement dans le cadre du travail. Que vous disiez signe distinctif tenace, est-ce que vous avez du flair? Ça se travaille en équipe quand même. Parce que des fois on peut se tromper. Parce que des fois il y a des personnes qui suicident mais qui font tout pour justement pour des raisons X ou Y, vont essayer de maquiller ça de manière à ce qu'on croit que c'est un meurtre. Quelqu'un qui va se tirer, enfin qui va suicider avec une arme à feu et qui va tout faire avec un. C'est comme dans les films. Un système d'élastique de telle manière que l'arme soit retrouvée loin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin. Et bon, on a vu les feuilletons nous aussi, donc. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ça peut être un peu confus pour nous. Franck, vous avez de l'expérience, vous avez vu tous les films. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous étonnent? Ah bah, l'affaire de 7000 est pas mal. Ouais, c'est quand même pas courant. Hein. Ouais. Ouais, il y a toujours des choses qui étonnent, tout le temps. Tout le temps. Après, il y a des gens qui nous font des choses auxquelles on ne pensait pas, qu'on a vu dans des feuilletons, ils les tentent, ils se loupent, mais très bizarre. Une anecdote. Allez, c'est parti. Une fois, il y a un collègue, l'auteur, en fait, il mangeait des graines de tournesol. Il a été retrouvé avec un cheminement de graines de tournesol. On a été jusqu'à chez lui comme ça. Graines de tournesol prélevées, ADN, c'était le sien. Bon, ben merci, hein, ça y est, c'est fait. Hein. Le petit poussé, quoi. Le petit poussé. Ce qui étonne beaucoup les gens, c'est les pièces d'identité dans les véhicules. Hein ? Les frères Kouachi, leurs pièces d'identité dans la voiture, personne n'y croit, tout le monde croit au coup monté, et finalement, ça arrive souvent. Charlie Hebdo, Nice. Ouais. L'attentat de Nice. Ouais. Donc des choses étonnantes, il y en a. Si on faisait le tour du service, tout le monde a les siennes. Hein. Ça s'est déjà vu. Alors, il y a une époque, il y avait des modes où certains braqueurs voulaient en faire accuser d'autres braqueurs, ou des dealers voulaient en faire accuser d'autres dealers. Eh ben, il prenait des choses dans les poubelles discrètement la nuit de la personne qui voulait mettre en porte-à-faux. Ils appelaient la police et puis ils laissaient les affaires de cette personne sur le lieu d'une infraction. Donc là, effectivement, si l'ADN l'accusait à 100%, le pauvre, ça reste un voyou. Mais en attendant, lui, dans ces histoires-là, il était pour rien. À une époque, il y avait certains voyous qui... c'est connu de tout le monde, donc je peux en parler, hein, qui laissaient des cheveux. Ils avaient récupéré au salon de coiffure, en passant derrière le mec qui s'était fait couper les cheveux. Il laissait des mégots de cigarettes. La personne va dans un bar, elle boit un coup avec des amis. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il passe juste après, il récupère un gobelet, il récupère les mégots dans le cendrier, puis il laisse ça sur les lieux d'une fusillade. Voilà, puis ainsi de suite. Si la personne n'est accusée qu'avec l'ADN, bah, si ça tient qu'à ça, il y a beaucoup de personnes qui finiraient en prison. Hein, alors qu'elles sont complètement innocentes. Alors l'ADN aussi, c'est pareil. Nous, ce qu'on fait, les traces papillaires plus l'ADN, tout ça, c'est à charge, mais c'est aussi à décharge. Voilà. Nous, les traces qu'on traite ici, c'est... Nous, on dit jamais aux enquêteurs que c'est la personne qui a fait le coup. On ne peut pas le savoir. On peut pas. Vous travaillez au conditionnel. Ouais. La personne était présente à un moment donné à cet endroit. Alors ça peut être le moment des faits, ça peut être 3 jours avant. C'est pas nous dire non, on sera non. C'est tout. Perrine, est-ce que vous envisagez, depuis que vous êtes ici à l'identité judiciaire depuis 18 ans, votre mort, votre après-mort, différemment qu'avant ? À force de voir des pouilles, enfin des personnes décédées, c'est vrai que je me dis, je sais pas moi si j'ai envie de finir en état de décomposition, retour à la poussière. Est-ce que finalement un don du corps à la médecine ou à la science pour aider justement l'avenir, ça me paraît pas. Voilà, c'est une idée qui fait son chemin. Donc, par rapport à la mort, vous voyez, c'est peut-être la seule chose qui m'a fait changer d'état d'esprit. C'est si mon enveloppe corporelle peut être utile pour les autres, pour plus tard, pourquoi pas. Les meurtres, ça arrive toujours aux autres, hein, on se dit. C'est les crimes passionnels, les trucs, c'est les autres, c'est pas nous, déjà. Et ensuite, par contre, les accidents, on se dit, mais oui, ça peut nous arriver, ça, ouais. Oui, ça, on y pense, ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'y pense pour ma part, ouais. Et c'est une pensée que vous chassez, c'est une pensée qui vous habite, c'est une pensée que vous avez fait. J'y pense un moment, et puis c'est fini, on va pas y penser. Je peux pas y penser toute la journée, sinon je pleure toute la journée. Non. Oui, c'est des pensées que j'ai. Après, la mort, et voilà, on travaille avec. Mais vous, le matin, Thierry, quand vous arrivez à la quai de l'Horloge, près de la Seine, on est place du Châtelet, est-ce que vous faites un effort mental pour vous dire, bon, je commence ma journée, je me prépare à quelque chose ou pas ? Moi, j'ai quasiment un demi-siècle d'ancienneté, plus même. Non, moi, quand j'arrive et qu'il fait beau, je regarde la Seine, la Tour Eiffel au fond, et la conciergerie, je me dis, j'ai de la chance de travailler dans cet endroit-là, c'est tout. C'est pas la vue du sang qui nous plaît, c'est ce travail d'investigation, c'est ces recherches, c'est cette technique. La photographie, moi je suis à la photographie depuis un petit moment désormais, mais c'est cette évolution, ça change tout le temps. Moi j'ai commencé à l'argentique, maintenant je suis au numérique. Donc moi, le matin, je vais voir les comptes rendus, et donc je vais ensuite regarder les photos, il y a combien de matérialiser. Photos là vous avez une centaine de photos, je pense. Et d'entrée de jeu, voilà. D'entrée de jeu, on voit un cadavre qui se trouve dans l'entrée de l'appartement. Donc du sang, beaucoup de sang. Ce cadavre paraît donc décapité. Un cavalier à ses côtés, toujours pareil. Les photos du cadavre, c'est un protocole. Vous allez avoir le cadavre en général, la partie supérieure du cadavre, la partie inférieure, la tête et les mains. Alors les mains, c'est souvent pour montrer des traces de lutte, par exemple des coups de couteau. Quand quelqu'un vous attaque avec un couteau, vous allez essayer de parer les coups. Donc il y aura des traces de lames sur les doigts. Et là, voilà, ça c'est une vue rapprochée du cavalier 8. Et donc la vue de détail nous montre que c'est un couteau. Donc l'arme peut-être du crime. Ça, encore une fois, l'enquête le déterminera. Nous, on montre ce qu'on voit. Identité judiciaire. La mort, un travail au quotidien. Ça va être beaucoup plus léger, toi. Merci à Xavier Espinas, le chef du service. Ça, c'est la loupe de la loupe de Sherlock Holmes. Merci également à Perrine, Florence, Thierry, André, Steve, Masque, et petit Franck. Poudre métallique, poudre blanche, poudre rouge, poudre verte, poudre... Réalisation France Lateste, un documentaire de Michel Pomared. Bon, ben, on est complet, hein, on a tout ce qu'il faut. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter Quai de l'Horloge, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, opération Blue Star, à la recherche d'une trace de sang. Et pour plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs.